Behind him, her fiery green gown slays at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take them for granted. They quiet. Understand, once I've been turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bonus love. Yeah, they're all dans leur sensuaire. Aux Espagnols, c'est compta. Dans leur paella. Aux Anglais, c'est tête. J'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file la chiasse. Aux Italiens, c'est gros blaire. Je chicote dans leur sensuaire. Aux Espagnols, c'est gros tas. Je chicote dans leur paella. Aux Anglais, c'est tête de con. Je chie dans leur chapeau melon. Aux Allemands, c'est gros blaireau. Je chie dans leur culotte de peau. L'Europe, j'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file de la chasse. En portugais, c'est trop du cul. Je chie tout nu sur leur morue. Aux Grecs, c'est gros tafiole. Je chie au fond de leur acropole. Hollandais, c'est pauvre type. Je chie menu sur leur tulipe. Au Suédois, c'est Faltera. Je chie dans leur Ikea. L'Europe, ça n'est pas les godins. L'Europe, ça me file la chasse. Oh, Roumains, c'est poivreau. Je chie sur leur faux démo. Au Polonais, c'est qu'une terreur. Je chie sur leur chapeau. L'Europe, je m'en. C'est évidemment le Groland.